Extrait du chapitre 121 de l'état des Beaux-Arts au XVIe siècle. Ce qui est le plus digne de l'attention de la postérité, c'est la gloire des arts qui ne passera jamais. Cette gloire a été, pendant tout le XVIe siècle, le partage de la seule Italie. Rien ne rappelle davantage l'idée de l'ancienne Grèce, car, si les arts fleurirent en Grèce au milieu des guerres étrangères et civiles, ils eurent en Italie le même sort. Et presque tout y fut porté à la perfection.